El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Marque 2778, la 2778 del teléfono este. Tiene que venir. Traidor. Sí, buen día, Andrea Cuen. Sí, Franco, aquí abajo. Ok, bárbaro. Perfecto. Aparte bastante bien. Sí, lindo. La acústica. Sí, efectivamente. Está muy, muy tranquilo. El tema del radioarte, no sé. En realidad, eso que decís, bueno, yo soy por un lado artista sonoro, por otro lado radioartista. No sé, yo creo que la experiencia que yo tengo, yo vengo de la música, ¿no? Entonces, yo trabajé muchos años como pianista. Hasta que me animé a dar el paso de decir, voy a componer. Pasó muy difícil cuando uno ya tiene un bagaje de instrumentista, como dijo Borges, ¿no? Tenemos que resignarnos a ser nosotros mismos. Ils sont des sont une douche relativement ouais. Ils sont sans pédale. Sans la pédale. Vas-y voir pour voir où ça. Libère la pédale. Sans pédale. Non, sans pédale. Toujours dans le même. Ah ben voilà, c'est. Alors, tu vas me dire ma voix là. Là, tu m'entends ? Voilà. Le retour casque. Ah ! Et le retour casque, tu baisses un petit peu parce que. C'est trop fort le casque. Là, tu m'entends ? Voilà. Et regarde maintenant le niveau du casque, ouais. Si c'est mieux. Ouais, je vais le faire. C'est mieux ? Ça va partir. Ça tourne. On va démarrer là. Voilà. Ça tourne. Yo me llamo Andrea Cohen. Presentarse siempre es difícil, pero bueno, lo voy a intentar. A ver, ¿cómo me presento yo? Yo creo que la palabra que más me define es la palabra música. Para mí todo lo que hago tiene que ver con la música. Empecé siendo intérprete, sigo siendo pianista, pero la mayor parte de mi actividad de estos últimos años ha sido más como artista sonora, como radioartista, porque he trabajado mucho en la radio cultural francesa. He compuesto unas piezas electroacústicas que yo considero que son Hörspiel, o sea que son piezas radiofónicas en cuanto a su forma y a su contenido, más que piezas electroacústicas puras, con lo que esa palabra pura quiera decir. Y también he compuesto piezas destinadas a músicos principiantes, piezas mixtas, o sea, mezclando el instrumento que tocan con una parte electroacústica, diálogo, cosa que me ha gustado mucho hacer. Y he escrito textos de musicología, que he escrito un libro sobre, que se llama Los compositores y el radioarte, donde de alguna manera la radio y la música están, se cruzan. Creo que con eso ya me es bastante para presentarme. Y hace muchos años que vivo en Francia, soy argentina, nacida en Buenos Aires. Y bueno, tengo un país natal y un país adoptivo. Ville Monde, Buenos Aires. C'est une grande ville quand même, hein? Moi que je rentre à Paris, je rentre au village pour moi. Mi Buenos Aires querido. Andrea Cohen, Gaël Gillon, Benjamin Thuo. Samedi 14 novembre, quartier de la Boca, Teatro Almirante Brown. Ahora quiero invitar que vayan pasando arriba del escenario los responsables de homenajearlo musicalmente. J'invite les musiciens qui vont rendre hommage à Leopoldo Federico a monter sur scène. Yo quiero agradecer también la presencia. Pendant qu'il se prépare, je veux saluer la présence de France Culture qui enregistre cet hommage. Et au passage, je veux témoigner notre solidarité au peuple de France et à la République française pour le terrible attentat dont ils ont souffert. Notre association est solidaire du peuple français dans ces terribles circonstances. Merci d'être venu. Et maintenant, merci d'applaudir l'ensemble des six bandoneons, Sueño de Bandoneón, qui va jouer pour la première fois au Festival de la République de la Boca. Notre séjour à Buenos Aires s'est déroulé du 13 au 19 novembre 2015, entre les deux tours de la dernière élection présidentielle. Moment de flottement qui a précédé un changement politique dans le pays, marqué par un virage à droite et un retour du néolibéralisme. Une vieille valse des années 40 parlait de Buenos Aires comme de la ville aux 100 quartiers, los 100 barrios porteños, chacun avec son histoire, son caractère, ses images et ses sons. Quelque chose de particulier à Buenos Aires. Il y a des choses qui se passent dans la nuit et il y a une façon de la plupart des habitants, de vivre la nuit comme une possibilité, comme quelque chose, qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Radioarte, buena pregunta. A mí lo que me gusta del radioarte, o como la definición que a mí me viene bien, es que es un espacio donde uno puede inventar con sonidos y donde no hay una categoría, o sea, no hay categorías muy definidas, entonces hay mucha libertad, más que en otros campos, donde se hace música experimental o música electroacústica, con una cierta orientación estética. Evidentemente que hay una estética, pero la estética es una especie de una estética propia que, a la que uno no le pide referencias, o que no necesariamente tiene que tener referencias para existir. Eso lo llamo libertad. Yo creo que hay dos palabras, radio y arte, ¿no? Entonces, la radio, tal como se la escucha en general, no se escucha, cuando se escucha radio uno no pretende escuchar arte. Quizás el radioarte, hay una cosa media contradictoria entonces, pero al mismo tiempo yo creo que si uno hace radioarte es porque piensa que uno puede comunicar mejor si le da una fuerza, una expresividad mayor a través de recursos estéticos. Entonces quiere decir que el objetivo sigue siendo comunicar, pero es no solamente comunicar, es también hacer pensar, es también producir emoción estética y hacerlo a través de un medio que de repente uno puede agarrar al oyente desprevenido. O sea, no es lo mismo cuando alguien va a un concierto o a escuchar un evento a un lugar que cuando lo puede escuchar en su casa de una manera privada, de una manera, vamos a decir, en su entorno cotidiano. Entonces es un poco eso, captar la atención de alguien en un espacio cotidiano, interesarlo, hacerle, de repente, transformarlo. Esa sería la utopía, ¿no? ¡Cambio de parejas! La lección de tango. Mi cuerpo es el mismo cuando intento aprender a bailar tango. ¿Quién baila? ¿La de ahora? ¿O la de antes? Organes des sens et respirez tranquillement. Baissez légèrement la tête et prenez juste conscience de votre souffle là, maintenant. Inspirez doucement. De yoga. Allez, pas en 50, les carottes en 50, tout en 50, allez-y, allez-y, tout en 50, allez. Allez, belle Isabelle, hein. Non, puis pas, messieurs, dames, hein. Un kilo de 50, il n'y en a plus. La realidad actual vuelve a mí. Hablo francés, conozco los códigos. Estoy aquí desde hace tanto tiempo. Mi vida está aquí. ¿Qué ciudad me pertenece? O mejor dicho, ¿a qué ciudad pertenezco? ¿Empiezo a volver a Buenos Aires? ¿O vuelvo a París? De silencio en las piezas sonoras para radio es cuánto tiempo una radio puede estar en silencio. Es un problema real, es un problema hasta técnico, ¿no? Porque si de repente, no sé exactamente, eso está estipulado, está reglamentado. ¿Cuánto tiempo de silencio puede haber para que la persona dice, ah, se cortó la radio? Entonces, de repente, el silencio, hay silencio y silencio. Hay un hombre de radio que era alguien, un gran artista que yo admiré mucho, que se llamó Jan Parantoen, que decía que no hay un minuto de silencio que se parezca. Uno se hace un minuto de silencio para significar un duelo, ¿no? Él grabó muchos minutos de silencio. Entonces, de repente, el silencio es lo que genera contraste con el sonido, sin forzosamente ser el silencio de físico. Yo pienso que, por ejemplo, ahora, si yo hago silencio, quizás escuchan las voces en el background, ¿no? Quizás no, no sabemos la posibilidad del zoom. O sea que no hay silencio, simplemente yo me callé. Y al mismo tiempo era mi silencio. Y el tuyo. La explicación así del manual dice que mutismo es la ausencia del sonido y silencio es la ausencia de la voz. Eso yo diría al revés. Mutismo es el silencio digital. Ah. Porque es el mute. Sí, claro. Porque mutismo a mí me hace pensar en mudo y mudo es alguien que no habla, ¿no? Por eso lo pensé más en relación a la voz. Y silencio. Sí, de repente si uno escucha un sonido muy, un estallido, y después hay una larga resonancia, pero esa resonancia se va a percibir como un silencio en relación a ese sonido que fue muy, muy violento, un estallido, ¿no? Entonces también el silencio es una dimensión del sonido. ¿Y en las piezas radiofónicas? Y teniendo en cuenta ese límite. Siempre hay un límite. Sí, sí, sí, porque aquí jugamos con eso. Entre lo que se escucha, lo que no se escucha, lo fuerte, lo suave, lo violento, lo delicado, lo minimal. Digamos, todo lo que genera contraste, yo creo que se percibe como silencio. Ese es un poco mi punto de vista. Et on s'aperçoit d'ailleurs dans ce film qui est très bref, hein, vous allez le voir, qu'au fur et à mesure, la masse noire s'est pour dire qu'il y a un moment, on a presque l'impression d'un jeu d'ombre. Thank you. hay una real escritura a través del montaje. Fundamental, fundamental. Por eso, aun cuando uno cree que hace un documental objetivo, no hay nada más subjetivo que un documental, porque uno está hablando desde uno y uno está eligiendo lo que monta, lo que guarda, lo que desecha. Uno, como eso es la famosa frase de Ziga Bertov, la tenés que conocer, que todo es montaje, ¿no? Y se aplica, por supuesto, porque además Ziga Bertov empezó haciendo sonido, ¿eh? O sea que él después se dedicó a la imagen, porque en esa época una de las teorías de eso es, creen que lo dijo fue Sadul, que fue el biógrafo que hizo una biografía de Bertov, que en realidad seguramente que él hizo imagen, porque en ese momento la tecnología no le permitía trabajar el sonido, y sí la imagen. Pero la idea de él es que todo es montaje. Desde que uno elige un sujeto, o sea, un tema, lo que uno guarda de ese tema, todo es montaje. O sea que el montaje, si sin montaje no hay escritura radiofónica. Y probablemente no hay escritura tampoco visual, o sea, todo lo que es parte de la reproducción de un sonido, de una imagen, lleva en sí el principio de montaje, o sea, organización. Encore une fois, mettons-nous bien d'accord, œil et oreille. L'oreille n'est pas aux aguets, l'œil n'est pas aux écoutes. Partage des fonctions. La radio oreille est le montage du j'entends. Le ciné-œil est le montage du je vois. Voilà, citoyens, ce que je vous offre dans un premier temps à la place de la musique, de la peinture, du théâtre, du cinématographe et autres épanchements émasculés. Ziga Bertov, Sonoportrait. Andrea Cohen, Gaël Gillon. Ziga Bertov était... Jean Rouch. Violemment contre le cinéma qui se faisait. Il luttait contre le cinéma théâtral. Et en fait, il était en conflit avec Eisenstein, qui était un homme issu du théâtre et qui, lui, pensait que la fiction était plus proche que la réalité. Ziga Bertov, il y a plusieurs manières de le voir, en effet, pendant très longtemps, dans les histoires Bernard Eisenschitt. Traditionnelles du cinéma, on considérait que c'était un des fondateurs du documentaire, quelqu'un qui était allé chercher la vie telle qu'elle était dans tous les coins de l'Union soviétique, était allé filmer l'édification du socialisme, et qui était avant tout un témoin. Bah, il était surtout formidablement libre, et il avait une palette Ramuncho Mata à portée de main, et une grande liberté d'usage de la palette. Parce qu'avec des instruments extrêmement précaires, il réussit quand même à bouleverser le champ narratif de l'époque. L'essence du cinéma. Ça a commencé très tôt, par la rédaction de divers romans fantastiques. La main de fer, Émeute au Mexique. Par de brefs essais, à la chasse à la baleine, à la pêche. Par des poèmes, Macha. Par des épigrammes et poésies satiriques, Pourichkevitch. La jeune fille otage de Rousseau. Ensuite, cela s'est transformé en passion pour le montage de notes scénographiques, d'enregistrement pour gramophone. On a un intérêt particulier pour le problème de la possibilité d'enregistrer des sons documentaires. En des tentatives pour noter au moyen de mots et de lettres le fracas d'une cascade, les sons d'une série, etc. Et voici qu'un jour du printemps 1918, je rentre de la gare. J'ai encore aux oreilles les soupirs, le bruit du train qui s'éloigne. Quelqu'un jure, un baiser. Quelqu'un s'exclame, rire, sifflet, voix, coup de la cloche de la gare, allaitement de la locomotive. Murmure, appel, adieu. Je pense, chemin faisant, il faut que je finisse par dégoter un appareil qui ne décrive pas, mais inscrive, photographie ces sons. Sinon, impossible de les organiser, de les monter. S'enfuit comme fuit le temps. Une caméra, peut-être. Inscrire ce qui a été vu. Organiser un univers non point audible, mais visible. Bertov, donc, Bernard Eisenschitz. Très jeune, s'intéresse au futurisme, ce qui était normal. Tous les jeunes qui lisaient, qui s'intéressaient à l'art, qui s'intéressaient à quelque chose, évidemment, s'intéressaient au mouvement futuriste qui était très, très vif à l'époque en Russie. Alors, le Manifeste des bruits de Roussolo est de 1913. On peut penser qu'il est traduit en russe tout de suite. Donc, 1913, il a 17 ans et il fait des poèmes, il écrit des poèmes, il fait des dessins, il fait des poèmes qui sont des poèmes-images aussi. Il commence à penser à des montages de sons. Ces poèmes sont des poèmes qui déconstruisent aussi la phrase, le mot. Bon, on est dans la continuité d'Apollinaire aussi. Apollinaire, dans un poème célèbre, Lundi, rue Christine, en 1913. Jean Rouche. Il enregistrait des conversations avec des commentaires. Je cite, « Je partirai à 20h27, si glace, si des visages toujours. » Donc, premier point, c'est une conversation de la table d'à côté. « Si glace, si des visages toujours », c'est le commentaire d'Apollinaire. « Je crois que nous allons nous embrouiller encore davantage. Cher monsieur, vous êtes un mec à la mie de pain. » Conversation. « Cette dame a le nez comme un ver solitaire. » Conversation. « Louise a oublié sa fourrure. Moi, je n'ai pas de fourrure et je n'ai pas froid. » Le Danois fume sa cigarette en consultant l'horaire. Commentaire. Le chat noir traverse la brasserie. Ses crêpes étaient exquises. Conversation. La fontaine coule. Robe noire comme ses ongles. Commentaire. Bien, dans ce poème, Conversation, il y a effectivement en Gésine tout le cinéma qu'allait faire Vertov, toute la musique qu'il allait faire lorsqu'il avait commencé en 1916 avec un vieux rouleau Edison, un vieux appareil d'enregistrement de son, à faire un laboratoire de son dans lequel il enregistrait des bruits naturels, de locomotives, des bruits de rue pour les monter en symphonie de bruit. Ça, c'est l'influence du futurisme italien et c'est l'extrême avant-garde, ce qu'a fait plus tard Schaeffer avec la musique concrète. Et dans les premiers films qu'il a montés juste après la fin de la guerre, vers les années 1919, il a appliqué aux films d'actualité des montages semblables à ceux qu'il faisait ou qu'il voulait faire dans son laboratoire du son. Les films étaient muets, il le faisait avec de l'image, au lieu de le faire avec du bruit. Et il a appliqué les méthodes d'Apollinaire, des poèmes conversations. J'allais encore à l'école. C'était pendant les vacances, non loin du lac Ilmen. J'avais rendez-vous avec une jeune fille près d'une scierie. Il lui était très difficile d'arriver à l'heure au rendez-vous, car elle devait quitter sa maison en cachette. Je l'attendais, des heures durant, jusqu'à ce qu'elle pourrait sortir sans se faire voir. Je passais ces heures à écouter la scierie. J'essayais de noter ses sons, comme les aurait entendus un aveugle. Au départ, je les notais sous forme de mots. Puis, je tentais de noter les différents bruits à l'aide de lettres. Le défaut du système venait du fait que, premièrement, l'alphabet existant était insuffisant pour noter tous les bruits qu'on peut entendre dans une scierie. Deuxièmement, outre les sonorités vocaliques et consonantiques, on pouvait distinguer diverses mélodies et motifs difficiles à transmettre. Il aurait fallu les noter à l'aide de nouvelles notes. Mais les signes appropriés pour noter les sons naturels n'existaient pas. J'en vins à la conclusion qu'avec les moyens dont je disposais, je ne pouvais pas dépasser la limite de l'imitation sonore. Je ne pouvais pas analyser comme il le faudrait le bruit d'une cascade ou d'une scierie. Avec mon ouïe, je distinguais non pas un bruit, comme on a l'habitude de désigner un son naturel, mais toute une série de combinaisons complexes de différents sons dont chacun avait son origine propre. Ces sons se heurtaient, se gênaient et souvent s'annulaient l'un l'autre. La difficulté provenait, en outre, du fait qu'il n'y avait pas d'instrument qui m'aurait permis de noter ces sons. J'abandonnais momentanément ces tentatives et me tournais à nouveau vers l'organisation rythmique des mots et des phrases. Et donc ensuite, il parle Valérie Posner de son travail qui, là, est sur les mots et la parole. et il procède à quelque chose qui devait ressembler plutôt à une construction futuriste, disons, de mots ou de syllabes, comme ça. Donc, c'est cela qu'il appelle « laboratoire de Louis ». Donc, c'est la réflexion sur la manière dont il faudrait noter ou enregistrer des sons naturels. Et cette fixation sur les sons naturels, c'est ça qui va le guider dans son premier travail sonore et la façon dont il envisage, au moment de la transition vers le cinéma sonore, l'apport du son. Qu'est-ce qu'il y aurait dans ces disques, puisqu'on ne les a pas écoutés ? Ramuncho Mata. Alors, selon certains, parce qu'on a affaire quand même à parfois à des intégristes radicaux au niveau de Vertov, selon certains, il y aurait le chef-d'œuvre absolu, le Graal, la construction sonore. Moi, je pense que si c'est encore écoutable, ce qui n'est pas garanti, il y aura quelque chose qui ressemble à ce que j'ai entendu, parce que Chris Marker m'avait fait écouter des bandes. Il avait eu des bandes de ça, et comme lui était très proche, surtout de Tarkovsky, je pense que c'est par là qu'il avait eu accès aux enregistrements. Donc c'était des bandes de ces disques-là. C'était pas folichon. C'était pas folichon, mais c'était intéressant parce que c'était quand même de la vraie construction sonore, pas musicale, et c'était du montage qui évoquait une espèce de télescopage d'informations très diverses, sans construction musicale, à nouveau, mais avec des pauses qui étaient vraiment surprenantes. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y avait des grands silences. Et puis tout d'un coup, un marteau qui tapait sur un train, une grand-mère qui pleure, et puis c'est l'heure du manger apparemment. Gling, gling, glong, glong. Apparemment, il a essayé, il a tenté des montages de sons. Alors, ce sont des montages qui utilisent les paroles, les bruits, la musique. Enfin, il fait des énumérations assez impressionnantes, mais il n'y a pas de traces d'enregistrement sur disque ou sur rouleau. Bon, ensuite, cette entreprise poétique, créatrice, etc., est interrompue par la guerre. La famille arrive à Moscou en 1915 et il commence des études à l'Institut de neurologie. Alors, il y a plusieurs personnes intéressantes là. Il y a Mikhail Koltsov, vous savez, qui est le modèle d'un personnage de « Pour qui sonne le glas » de Hemingway. Mikhail Koltsov, qui devient ensuite le directeur des premières actualités soviétiques, avant d'être fusillé en 1937. Mikhail Koltsov étudie à l'Institut de neurologie Abraham Rome, plus tard donc réalisateur de fiction et réalisateur des premiers documentaires sonores soviétiques, étudie également là. Ensuite, les parents retournent à Bialystok et Vertov reste à Moscou où il est engagé au comité du cinéma comme secrétaire pour s'occuper des actualités. Très très vite, il devient rédacteur puis réalisateur d'actualité, réalisateur, ce qui veut d'abord dire rédacteur, c'est-à-dire mettre, associer, compiler des actualités qui viennent d'ailleurs, et puis ensuite organiser des tournages et rédiger l'ensemble des journaux d'actualité avec plusieurs sujets, certains qu'il a tournés, certains qu'il a fait tourner, et certains qu'il a pris dans des actualités Pathé ou Gaumont, etc., qui arrivent encore en Russie. Je suis le ciné-œil. Je suis l'œil mécanique. Je suis la machine qui vous montre le monde comme elle seule peut le voir. Désormais, je serai libéré de l'immobilité humaine. Je suis en perpétuel mouvement. Je m'approche des choses, je m'en éloigne. Je me glisse sous elles, j'entre en elles. Je me déplace vers le mufle du cheval de course. Je traverse les foules à toute vitesse. Je précède les soldats à l'assaut. Je décolle avec les aéroplanes. Je me renverse sur le dos, je tombe et me relève en même temps que les corps qui tombent et se relèvent. Bon, Il est certain qu'un texte de ce genre, en 1923, et Sadoul le remarque, il a vu à ce moment-là tous les Kino Pravda à Moscou, il a vu tous les premiers films d'actualité. Dans ces films, il n'y avait rien de tout cela. Il n'y avait rien de tout cela. Le ciné-œil existait et c'était ce qu'il devait devenir. Et il est certain que les jeunes enthousiastes qui étaient à la Closerie des Lilas, à Montparnasse, lisant cela, immédiatement imaginaient de faire un film sur Paris, un film sur la Seine, imaginaient de marcher sur la promenade des Anglais avec une caméra. Et c'est ce que Boris Kaufman a fait avec la petite caméra, avec la Kinamo que son frère Dziga lui avait donnée, la même Kinamo qu'avait utilisé Yoris Evans pour tourner Le Pont d'Acier, la même Kinamo qu'il avait utilisée avec Storck pour tourner Borinage, et qui était cette caméra magique, cette caméra qui est l'ancêtre de celle dont on s'est servi avec Michel Brault dans le film qu'on faisait avec Edgar Morin en 1960, qui était Chronique d'un été, qui était l'ancêtre de la caméra éclair coûtant, qui était une caméra qui marchait. Hay un hecho objetivo, efectivamente, que es un hecho histórico también respecto al lugar de la mujer en el mundo cultural, porque este es el lugar de la mujer también en el mundo del trabajo. Yo ahora justamente estoy haciendo, preparando un programa para Radio France que es sobre la mujer y el piano. Y realmente es muy interesante porque yo empecé buscando ese tema porque yo, como te dije, soy pianista de a la base y empecé a interesarme en eso preguntándome a mí misma por qué me habían mandado a estudiar piano y no violín o clarinete. Entonces me di cuenta que había toda una tradición, que había todo en el imaginario colectivo, la niña tocando el piano forma parte de un cliché, ¿no? Y entonces, ¿de dónde viene ese cliché? Y bueno, empecé a estudiar la historia social del piano, me empecé a interesar ese tema. Y es muy simple en realidad, cuando el piano surge en el siglo XIX, gran venta de pianos, se desarrolla todo un comercio, el piano se instala en el salón de la burguesía, de la casa burguesa, y la niña que está ahí, que no va a trabajar, porque una mujer no trabaja, hay que ocuparla. Bueno, entonces después de hacer bordado y estudiar francés, también tiene que tocar piano, y aunque no le guste, el asunto es ese sobre todo, aunque no le guste, y que no tiene nada que ver con la música, pero saber tocar el piano, se puede conseguir marido mucho más fácilmente, es decir, son cosas que a uno le parecen absurdas hoy día, pero era la mentalidad del siglo XIX dentro de la burguesía, y esto está testimoniado por textos que ha escrito por grandes escritores, como Balzac, como Stendhal, como Flaubert, o sea, está escrito, yo lo he leído, porque había leído, como me interesó el tema, leí muchas cosas sobre el tema. Y entonces uno se da cuenta que todo eso, que a uno le parece que uno no, que uno lo eligió libremente, o que uno siguió estudiando eso libremente, en realidad uno lleva toda esa carga, esa especie de mandatos, que vienen de otras épocas, ¿no? Y uno sabe que siempre que la pequeña burguesía quiere imitar a la burguesía, entonces eso pasa de la burguesía a la pequeña burguesía. Y bueno, todo eso para decirte que en el caso de la mujer, por ejemplo, la relación con el instrumento musical es particular. Si un hombre en el siglo XIX, un hombre que estudiaba piano era para ser un profesional, no lo estudiaba para entretenerse, o para ocupar sus manos o para conseguir una esposa, quiero decir. O sea, era toda una. Tenía otro rol el instrumento. Y de eso quedan vestigios. Entonces yo considero que el tema de la mujer y la creación sigue siendo problemático.